crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Harry, ça va mal. Je crois que je ne suis plus écrivain. Qu'est-ce que vous me sortez là, Marcus ? Je sais plus quoi écrire, je suis fini. Page blanche. Blocage mental, Marcus, voilà ce que c'est. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kléber. Avec les restes de la gamine. Les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. J'ai peur, Marcus. Il a écrit ce livre pour cette môme, Marcus. Pour une môme de 15 ans. Je peux pas laisser cette plaque, c'est de l'amour dégueulasse. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et moi, je pense que tu devrais pas te mêler de cette affaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on lui a brisé le crâne. Brisé. Bam, bam. C'était avec une batte. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous m'emmerdez à la fin, l'écrivain. Elle était morte, je me sentais responsable pour toutes sortes de raisons. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Je vous jure que je suis innocent de ce dont on m'accuse. Croisant mon expérience de flic, fiston. On sait jamais de quoi les gens sont capables. Surtout ceux qu'on croit bien connaître. La vérité sur l'affaire Harry Kléber, de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal II. Troisième épisode. L'incendie dans lequel la corvette de Harry avait entièrement brûlé avait été rapidement circonscrit et la maison de Gouskov n'avait pas été touchée. Le lendemain, Marcus retourna à la prison d'État voir Harry pour lui raconter ce qui ressemblait à un avertissement. Quelqu'un voit en vous le coupable idéal et n'a pas envie que je mette mon nez là-dedans. On va vous tirer de là, Harry. M'arrêtez avec ça. Si, si, on va découvrir la vérité. Ross est un très bon avocat, il faut rester confiant. Continuez à me raconter, voulez-vous? Parlez-moi de Nola. Vous êtes un type bien, Marcus. Parce que c'est ça l'important. Nola, qui vient sur la plage et qui me dit de ne pas me sentir seul, qu'elle est là pour moi. Au fond, j'avais toujours été assez solitaire. Avec Nola, je me sentais comme faisant partie d'un tout, d'une entité que nous formions ensemble. Le samedi 28 juin, je lui ai proposé de partir une journée à Rockland, là où personne ne nous connaissait. Elle a accepté tout de suite. Elle a dit à ses parents qu'elle partait en mer avec une amie. La journée s'est passée comme un rêve. Mais le soir, quand nous sommes revenus à Aurora, j'ai pris conscience que notre histoire était impossible. Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-le. C'est un cadeau pour vous. Je l'ai trouvé dans cette petite boutique du centre-ville, là où nous avons bu ces jus de fruits. Comme ça, vous n'oublierez jamais cette journée. Souvenir de Rockland, Maine. C'est pour mettre du pain sec, pour que vous nourrissiez les mouettes chez vous. Il faut nourrir les mouettes, c'est important. Merci. Je te promets de toujours nourrir les mouettes. Maintenant, dites-moi des mots doux, Harry, chéri. Dites-moi que je suis votre Nola, chérie. Nola, chérie. Embrassez-moi. Non, c'est pas possible. Pourquoi ? Je ne vous plais pas ? Si, si, mais... Non, toi et moi, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui est trop compliqué ? Tout, Nola, tout. Il se fait tard. Je crois qu'on devrait arrêter de se voir. Quoi ? Arrêtez de se voir. Mais pourquoi ? Harry, pourquoi ? Je vais te raccompagner. Alors, votre boîte à pain dans la cuisine, c'est un souvenir de votre journée à Rockland ? Eh oui, Marcus. Je nourris les mouettes parce que Nola me l'a demandé. Et que s'est-il passé après ? Cette journée avait été tellement intense que j'ai pris peur. C'était trop compliqué. J'ai décidé que je devais m'éloigner de Nola et me rabattre sur une autre fille. Une fille que j'avais le droit d'aimer. Une fille comme Jenny. Jenny Doone ? La patronne du Clarks, la femme de Travis? Elle-même, avec 30 ans de moins. Elle avait 24 ans. C'était une très jolie femme, blonde, sensuelle. Elle faisait tourner les têtes. Je passais mes journées au Clarks et je sentais que je ne lui étais pas indifférent. Et alors, il s'est passé quelque chose entre vous? Une autre fois, Marcus. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis fatigué. En revenant à Aurora, Marcus décida d'aller voir Jenny. Il voulait en savoir plus sur l'histoire qu'elle avait vécue avec Harry. Jenny lui raconta la soirée du 4 juillet 1975, la première fois qu'ils étaient sortis tous les deux, quand Harry l'avait invité à aller voir le feu d'artifice à Concorde. À sa façon d'évoquer l'écrivain, Marcus comprit que Jenny n'avait jamais cessé de l'aimer et que la douleur d'avoir été délaissée était toujours là. Avant de la quitter, il lui demanda qui, selon elle, pourrait lui en apprendre davantage sur Nola. Jenny lui conseilla d'aller voir le père de la jeune fille, le révérend David Kellergan. Je m'appelle Marcus Goldman. Vous ne me connaissez pas, mais j'enquête sur la mort de votre fille. Vous êtes de la police? Non, je suis écrivain. Vous pourriez couper la musique ou baisser un peu le son? Impossible, je n'éteins jamais la musique. Mais nous pouvons aller au salon si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Goldman? Je cherche à savoir ce qui est arrivé à Nola, révérend. M'appelez pas révérend, je ne suis plus révérend. Merci. Je suis désolé pour votre fille, monsieur. Merci. Vous êtes la première personne à me présenter ses condoléances. Toute la ville parle de ma fille depuis 2 semaines, mais il n'y en a pas un seul qui vienne ici pour savoir comment je vais. Les seuls qui sonnent à ma porte, à part des journalistes, sont des voisins qui se plaignent du bruit. Les pères en deuil ont bien le droit d'écouter de la musique, non? Parfaitement. Alors, vous écrivez un livre? Je ne sais plus si j'en suis capable. Écrire bien, c'est si difficile. Mais effectivement... Mon éditeur m'a proposé d'écrire sur cette affaire. Seriez-vous opposé à l'idée d'un livre sur Nola? Vous savez, le jour où ma fille a disparu, elle était dans sa chambre. Moi, je travaillais dans le garage avec de la musique. Je n'ai rien entendu. Lorsque j'ai voulu aller la voir, elle n'était plus dans la maison. La fenêtre de sa chambre était ouverte. Comme si elle s'était évaporée. Je n'ai pas su veiller sur ma fille. Écrivez un livre pour les parents, monsieur Goldman. Les parents doivent prendre grand soin de leurs enfants. Que faisiez-vous dans le garage ce jour-là? Je retapais la Harley que vous avez vue. Belle machine. Vous vivez seul ici? Oui, ma femme est morte. Il y a longtemps. Et Harry Kébert, vous le connaissez bien? À peine, je l'ai croisé quelques fois. Pourtant, vous habitez la même ville depuis 30 ans. Oui, mais je ne connais pas tout le monde, monsieur Goldman. Je vis plutôt au reclus. Est-ce que tout ceci est la vérité? Harry Kébert et Nola, a-t-il écrit ce livre pour elle? Pour être tout à fait franc avec vous, je crois que Harry aimait votre fille et que c'était réciproque. Ce livre, c'est l'histoire d'un amour impossible entre deux personnes qui ne sont pas issues de la même classe sociale. Je le sais. Mais alors quoi? Kébert a inventé cette histoire de classe sociale pour masquer sa perversion et il a vendu des millions de bouquins. Un bouquin qui raconte des histoires obscènes avec ma fille, avec ma petite Nola, que toute l'Amérique a lu pendant 30 ans. Harry Kébert n'a pas tué Nola. Ah ouais? Et comment pouvez-vous en être si sûr? Vous avez d'autres questions? Accepteriez-vous de me montrer la chambre de Nola? Suivez-moi. David Kellergan n'avait pas touché à la chambre de sa fille depuis le jour de sa disparition. Seul un sac avec le nom de la jeune fille écrit à l'intérieur manquait. On l'avait retrouvée avec Nola. Elle n'avait emporté ni argent, ni vêtements, ce qui rendait peu crédible la thèse de la fugue. Marcus remercia le révérend Kellergan et prit congé. Après sa visite, il s'en alla boxer sur la plage de Gusco et fut bientôt rejoint par le sergent Galwood. Vous êtes en forme, dites donc. J'essaie de me maintenir. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, sergent? Un dimanche en plus. J'ai reçu un appel du chef d'armes. Il m'a informé de l'incendie de vendredi soir. Il est inquiet. Et je dois avouer que je ne lui donne pas tort. J'aime pas du tout quand les affaires prennent ce genre de tournure. À part moi, qui est au courant de vos investigations? Tout le monde. Je passe mes journées à poser des questions à ceux que je rencontre. Ça peut être n'importe qui. Vous pensez à quoi? Quelqu'un qui ne voudrait pas que vous découvriez la vérité à propos de Nola. Comment avance votre enquête, d'ailleurs? Mon enquête? Parce que vous vous y intéressez à présent? Disons que, depuis qu'on vous menace, votre crédibilité est montée en flèche. Je vois, oui. J'ai parlé au père Kellergan. Il m'a montré la chambre de Nola. J'imagine que vous aussi vous êtes allé la voir. Oui. Alors, s'il s'agissait d'une fugue, comment expliquez-vous qu'elle n'ait rien emporté avec elle? Ni vêtements, ni argent, ni rien. Ce n'était pas une fugue. Oui, mais si c'était un enlèvement, pourquoi il n'y a pas de traces de lutte? Et pourquoi aurait-elle emporté ce sac avec ce manuscrit? Et qui vous dit qu'elle a emporté ce manuscrit? Ça, c'est l'explication de Kébert. Sa façon de justifier la présence de son texte avec le cadavre de Nola. Quelle est votre hypothèse? Kébert a tué la gamine et a enterré le manuscrit avec elle. Peut-être à cause des remords. C'était un livre sur leur amour et leur amour l'a tué. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a une inscription sur le manuscrit. Une inscription? Il est écrit « Adieu, Nola chérie ». Vous êtes certain que c'est l'écriture de Harry? Nous allons procéder à une expertise graphologique, en espérant qu'on puisse encore en tirer quelque chose. Nola chérie. C'était exactement les mots prononcés par Harry. Le mardi 24 juin 2008, un grand jury populaire confirma le bien fondé des accusations portées par le bureau du procureur. Il inculpa formellement Harry d'enlèvement et de double meurtre au premier degré. Benjamin Ross, son avocat, restait confiant, convaincu que les expertises graphologiques innocenteraient bientôt son client et que le dossier s'effondrerait comme un château de cartes. Mais Marcus lui apprit que « Nola, chérie » étaient les mots employés par Harry lui-même pour lui raconter son histoire. Je vous assure que ce n'est pas mon écriture. Je ne l'ai pas tué, je n'ai pas tué Nola. Harry, si ce n'est pas vous qui avez écrit ce mot, et je vous crois quand vous le dites, avez-vous une idée de qui cela peut être? Non. Qui savait pour vous, Nola? Tamara Quinn, la mère de Jenny, affirme qu'elle s'en doutait depuis toujours. Je ne sais pas, peut-être que Nola a parlé de nous à certaines de ses amies. Nancy Hathaway, par exemple. C'est elle qui lui avait servi d'alibi lors de notre escapade à Rockland. Pour la dernière fois, Harry, quelqu'un était-il au courant? Comment voulez-vous que je vous défende si vous me cachez certaines informations? Il y a eu ces lettres anonymes. Quoi? Des lettres anonymes? Juste après la disparition de Nola, j'ai commencé à en recevoir. Je l'ai trouvé à chaque fois dans l'encadrement de ma porte d'entrée. Ça m'a foutu la trouille. Ça voulait dire que quelqu'un m'espionnait, qu'on guettait mes allées et venues. À un moment donné, j'avais tellement peur que j'appelais systématiquement la police lorsque j'en trouvais une. Je disais qu'il me semblait avoir vu un rôdeur, du coup une patrouille venait et ça me rassurait. Mais bien sûr, je ne pouvais pas leur avouer les vraies raisons de mon inquiétude. Vous avez une idée sur l'auteur de ces lettres? Pas la moindre. Ça a duré 6 mois, ensuite plus rien. Vous les avez conservées? Oui, chez moi. J'imagine que la police ne les a pas trouvées parce que personne ne m'en a parlé. Je les ai cachées entre les pages d'une grande encyclopédie, dans mon bureau. Marcus, vous pourriez essayer de les récupérer? Je m'en occupe. De retour à Gouskove, je mis immédiatement la main sur l'encyclopédie en question. Dissimulée entre les pages, je trouvai une enveloppe en kraft contenant une dizaine de petites feuilles. Des lettres sur du papier jauni. Un message identique et tapé à la machine à écrire figurait sur chacune d'entre elles. « Je sais ce que vous avez fait à cette gamine de 15 ans, et bientôt toute la ville saura. » Quelqu'un était donc au courant pour Harry et Nola. Quelqu'un qui avait gardé le silence pendant 33 ans. Marcus Goldman continuait à chercher tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, avaient pu connaître Nola. Grâce à Internet, il parvint à trouver les coordonnées de Nancy Hathaway, sa camarade au lycée. Elle tenait un magasin de couture et de patchwork un peu en dehors de la ville, sur la route 1, en direction du Massachusetts. Bonjour, vous êtes Nancy Hathaway ? Elle-même ? Votre visage me dit quelque chose. On se connaît ? Je m'appelle Marcus Goldman, je suis... Écrivain. Ça me revient maintenant. On dit que vous posez beaucoup de questions sur Nola. J'imagine que vous n'êtes pas là pour mes patchwork ? Non, en effet. Pourquoi pensez-vous que je pourrais vous aider ? Si vous êtes bien celle que je crois, vous avez très bien connu Nola, non ? Qui vous a dit ça ? Harry Kébert. Je vais fermer, on sera plus tranquille. Marcus et Nancy passèrent plus d'une heure dans l'arrière-boutique. Nancy ne s'était jamais mariée et n'avait jamais quitté Aurora. Elle évoqua longuement Nola. Elle raconta à Marcus le jour où elle s'était aperçue que son amie avait des hématomes sur les seins. Au début, elle n'a rien voulu me dire. Nola lui avait dit que sa mère la traitait de méchante fille et la battait. Puis elle a fini par me confier que c'était sa mère qui la battait. Elle lui avait également confié être amoureuse de quelqu'un qui ne l'aimait pas. C'était en juillet 1975. J'ai eu du mal à la croire, mais elle semblait si perturbée. Elle m'a parlé d'un homme aussi. Un homme plus âgé, qu'elle aimait passionnément, mais qui, selon elle, ne l'aimerait jamais. Et ce chagrin d'amour, saviez-vous de qui il s'agissait ? Non. Mais vous étiez au courant qu'elle voyait quelqu'un ? Sauf erreur, c'est l'époque où vous vous serviez d'alibi mutuel pour aller voir des garçons. Je vois que vous êtes bien renseigné. Vous savez, je me doutais que Nola voyait un homme plus âgé. Mais elle n'en parlait qu'à demi-mot. Donc vous saviez pour elle et Harry Kébert ? Mais non. Comment ça, non ? Vous venez de me dire que Nola voyait un homme plus âgé. Qui était cet homme ? C'était pas Harry Kébert ? Madame Hathaway, je sais que vous ne me connaissez pas, que je débarque comme ça et vous force à fouiller dans votre mémoire, mais le temps presse. Harry Kébert croupit en prison alors que j'ai la conviction qu'il n'a pas tué Nola. Donc si vous savez quelque chose qui peut m'aider, vous devez me le dire. J'ignorais tout pour Harry. Nola me l'a jamais dit. Mais elle m'a parlé d'un homme. Oui, je savais qu'elle avait une liaison avec un homme beaucoup plus âgé. Mais c'était pas Harry Kébert. C'était quand ? Je me rappelle plus toute l'histoire en détail, mais je peux vous assurer que pendant l'été 75, celui où Harry Kébert a débarqué ici, Nola a entretenu une liaison avec un homme d'une quarantaine d'années. Vous vous souvenez de son nom ? Ça, je risque pas de l'oublier. C'était Elias Stern. Probablement un des hommes les plus riches du New Hampshire. Nola me racontait qu'elle devait se mettre nue pour lui. Lui obéir, se laisser faire. Elle devait aller chez lui à Concorde. Stern envoyait son homme de main pour venir la chercher. Luther Caleb, un type étrange. Caleb venait à Aurora et l'emmenait chez Stern. Je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Le lendemain de son entrevue avec Nancy Hathaway, Marcus se rendit dans le bureau du sergent Galwood. Il avait décidé d'être franc en lui révélant tout ce qu'il avait appris. L'écrivain ? Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore ici ? J'ai fait des découvertes surprenantes. Et je dois vous en parler. Mais vous savez, vous pourriez téléphoner, mon vieux. C'est ce que font les gens civilisés. Nous prendrions rendez-vous. Et vous viendriez ici à une heure qui nous conviendrait à tous les deux. Nola avait un amant, un certain Elias Stern. Et Harry a reçu des lettres anonymes à l'époque de sa relation avec Nola, donc quelqu'un était au courant. Et comment savez-vous tout ça ? Quand je vous ai dit que je voulais comprendre, Vous m'avez expliqué que pour mener à bien une enquête, il fallait s'intéresser de près à la victime. C'est ce que j'ai fait. Et je suis pas sûr que Nola ait été la jeune fille modèle qu'elle paraissait. On sait qu'elle a eu une relation avec Harry. Je sais maintenant qu'elle avait une autre relation, au même moment, avec l'homme d'affaires, Elias Stern. Oh, vous m'emmerdez, l'écrivain. Vous foutez le bordel dans mon enquête. Sergent, Nola était une gamine malheureuse. En 75, au début de l'été, son histoire avec Harry est compliquée. Il la rejette et elle déprime. Quant à sa mère, elle la bat comme plâtre. Plus j'y pense, plus je crois que sa disparition est la conséquence d'étranges événements qui se sont produits cet été-là. Et j'ai la conviction que d'autres personnes savaient pour Harry et Nola. Il y a ces lettres anonymes. À propos de Nola ? Oui, tenez, regardez. Je les ai trouvées chez Harry. Je sais ce que vous avez fait à cette gamine de 15 ans. Et bientôt, toute la ville saura. Il en a reçu plusieurs. Juste après la disparition de Nola, il ne sait pas qui a pu en être l'auteur. Bon. Alors reprenons tout depuis le début. Nola Kellerghan disparaît le soir du 30 août 1975. Le rapport de police d'Aurora de l'époque indique qu'il est impossible d'établir si elle a été enlevée ou s'il s'agit d'une fugue qui a mal tourné. Je pense qu'elle a fugué. Bon, partons de cette hypothèse. Elle enjambe la fenêtre de sa chambre et elle s'enfuit. Où va-t-elle ? Rejoindre Harry. Vous pensez ? Je le sais. Il me l'a dit. Il est temps de jouer carte sur table. Le soir de la disparition, Nola devait rejoindre Harry dans un motel de la route 1. Elle lui avait laissé une lettre pour lui dire qu'elle y rejoindrait. Il l'a attendue toute la nuit et elle n'est jamais venue. Et où est cette lettre ? Je l'ai brûlée. Vous l'avez brûlée ? Mais vous êtes complètement fou, l'écrivain ! Vous voulez être condamné pour destruction de preuves ? Je voulais protéger Harry. J'aurais pas dû, sergent. Je suis désolé. Non mais qu'est-ce que vous faites, là ? Regardez. Au centre. Sur un tableau blanc, Marcus écrivit une liste de noms. Autour. Nola était au centre. Harry Kéber. Autour d'elle figuraient Harry Kéber, Nancy Attaway, Elias Stern, Luther Caleb, Tamara Quinn et David et Louisa Kellerghan. Tous ces gens ont un lien avec Nola ou avec l'affaire. Ça pourrait même être une liste de coupables potentiels. Bien. Il va falloir creuser tout ça, l'écrivain. Le vendredi 27 juin 2008, quand il revint voir Harry en prison, Marcus décida de ne pas évoquer Elias Stern. Il préféra lui raconter ce que Nancy Attaway lui avait confié à propos de la mère de Nola. Oh, Marcus. Ces coups, c'était une histoire terrible. Nancy m'a aussi raconté qu'au début de l'été, Nola paraissait très triste et mélancolique. C'est moi qui l'ai rendue très malheureuse en essayant de la repousser. Le week-end de la fête nationale, après ma sortie à Concorde avec Jenny, j'étais complètement bouleversé par mes sentiments pour Nola. Tandis que j'écoutais Harry me raconter le désastreux week-end des 5 et 6 juillet 75, je n'arrivais pas à faire semblant avec Jenny, mais il fallait que je m'éloigne. Je compris que les origines du mal retraçaient avec précision son histoire avec Nola, mêlant récits et véritables extraits de correspondance. Harry n'avait donc jamais rien caché. Depuis toujours, il avait avoué son impossible histoire d'amour à toute l'Amérique. C'était « La vérité sur l'affaire Harry Kéber » de Joël Dicker. Avec Florent Shep, Frédéric Pierrot, Éric Herson-Macarel, Mélissa Barbeau, Olivier Clavery, Jean-Pierre Calfon, Isabelle Otero, Joanna Nizar. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salançon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois.